إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours 15 dans le livre de Fiqh. C'est le sharh du livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, Adab al-Mashi ila Salah, c'est-à-dire les manières et les étiquettes de la marche vers la mosquée. Et c'est le titre du livre qui résume les règles de fiqh reliées aux adorations. Aux adorations, la salat, la zakat et al-hajj. Et aussi al-siyam, le jeûne du ramadan. Et en ce moment, on est rendu dans les règles de la salat, et plus particulièrement la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on est arrivé à l'explication du tashahhud. On a parlé du tashahhud dans les cours précédents, et donc on continue donc l'explication par rapport à ça. Au sujet du tashahhud, on avait mentionné les explications, et le cheikh il dit qawluhu sallallahu qawluhu radiyallahu anhu wa rahimahullah فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala يحيى. Donc on peut lui envoyer التحيات, mais on ne peut pas lui envoyer le salam. Et la raison pourquoi on ne peut pas lui envoyer le salam, c'est parce que السلام c'est un dua. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il est as-salam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un autre hadith, ne dites pas que le salam soit sur Allah, car Allah c'est lui as-salam. D'accord? C'est lui la paix, c'est lui l'exempt de tout défaut, de toute imperfection, de toute faiblesse, et ainsi de suite. Et at-tahiyat, ça signifie jami' at-ta'zimat lillahi mulkan wa istihqaqan. Donc at-tahiyat, c'est toutes les formes de salut, toutes les formes de respect et toutes les formes de vénération et d'exaltation appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple as-sujud, la prosternation, c'est une forme de salut, c'est une forme de respect. Le ruku', l'inclinaison, le fait de se pencher, ça appartient à Allah seul. De même que al-inhina, de s'incliner et de se pencher. Al-inhina, as-sujud, c'est la prosternation, tu mets ton visage par terre, tu te prosternes par terre. Al-ruku', tu t'inclines alors que tu es debout. Tu t'inclines alors que tu es debout. C'est différent, donc on voit, c'est comme des degrés. La prosternation, tes mains, tes genoux, tes pieds, ton front et ton nez sont par terre. L'inclinaison, al-ruku', tu es debout, sauf que tu penches ton dos et ta tête, tu t'inclines devant Allah subhanahu wa ta'ala. Al-inhina, c'est moins encore que al-ruku'. Al-inhina, c'est juste que, comme si tu penches ta tête comme ça. Hein, juste pencher la tête. Hein. Ça s'appelle en arabe al-inhina. Même ça, c'est à Allah seul. Tu n'as pas le droit de te pencher, hein, de baisser la tête devant une créature. Yani, c'est seulement devant Allah seul que tu fais ça. Et on voit que dans certains pays, hein, j'ai constaté ça, les gens, quand ils veulent saluer quelqu'un, par respect, ils se penchent comme ça un peu, en serrant la main ou bien en saluant la personne. Et ça, c'est pas correct. Ça, c'est seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Al-inhina wal-ruku' wal-sujud, c'est uniquement pour Allah seul. Et ça fait partie des différentes formes de salut, différentes formes de respect qu'on appelle at-tahiyyat. D'accord? Donc c'est ça la signification de at-tahiyyatu lillahi. Où est-ce qu'on est rendu donc ici? Le Cheikh il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala, le Cheikh il dit wa ma'na annahu yu'azzam bi idha'a wal ma'na annahu yu'azzam bi idafati at-tahiyyati ilayhi wa la yusallam alayhi li anna as-salam du'a'un lil muslimi alayhi lil musallam alayhi wallahu subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yud'a wa yurja wa ghayruhu yud'a lahu la yud'a lahu la yud'a yud'a lahu la yud'a. Donc le cheikh il explique que la signification de dire tahiyya lillah, tahiyyatu lillah, c'est le respect qu'on offre à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les formes de tahiyyat appartiennent à Allah seul. Et on ne lui donne pas le salam, on ne lui offre pas le salam, parce que le salam c'est un dua pour celui à qui on envoie le salam. C'est une invocation pour lui. C'est comme si tu lui souhaitais qu'il soit préservé de tout mal. Donc quand tu dis à quelqu'un assalamu alaikum, c'est comme si tu lui disais, en plus de lui dire que Allah soit avec toi, mais c'est comme si tu lui disais aussi que Allah te préserve de toute mauvaise chose, de tout mal, de toute maladie, de tout problème, de toute fitna, et ainsi de suite. C'est ça, assalam. Donc, c'est un dua que tu fais lorsque tu dis à quelqu'un assalamu alayka, assalamu alayka, assalamu alaykum. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui que nous invoquons. Hein? C'est lui qu'on invoque, on n'invoque pas pour lui. Hein? On invoque lui et non pour lui. On ne fait pas des dua pour Allah, on fait des dua à Allah. D'accord? Donc c'est ça que le cheikh il explique ici. Et autre que Allah, on invoque pour lui et non pas on l'invoque lui. On n'invoque pas autre que Allah, mais on invoque pour autre que Allah. On fait des dua pour les gens, mais on ne fait pas des dua aux gens, aux créatures. Donc ça c'est la signification ici. Et le cheikh dit wassalamu min jumlati ad-du'a li'anna al-musallam alayhi yud'a lahu bis-salamati war-rahmati wal-baraka. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السلام على الله ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا على الله لأن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله الحديث وجاء في الذكر بعد السلام من الفريضة اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. Donc le cheikh il explique que le salam donc c'est une invocation pour quelqu'un, c'est comme si on invoquait pour que Allah subhanahu wa ta'ala l'épargne de tout mal, lui fasse miséricorde, lui donne la bénédiction, et ainsi de suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rapporté par l'imam al-Bukhari, selon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qu'il a interdit aux sahaba de dire « Assalamu ala Allah ». Il a interdit aux sahaba de dire que la paix ou que le salam soit sur Allah. Et le cheikh, il explique, il dit, lorsque nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la salat, nous disions que le salam soit sur Allah, de la part de ses serviteurs. Que le salam soit sur un tel et un tel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, ne dites pas assalamu ala Allah. Ne dites pas que le salam soit sur Allah, car Allah, c'est certes lui qui est assalam. Il est certes assalam. Ça, c'est un de ses noms. C'est un des noms d'Allah. Il est assalam. Il est la paix, la source de la paix. Il est la sécurité, la source de la sécurité. Il est épargné et éloigné et purifié de tout mal et de toute imperfection et de toute faiblesse. Et donc, il est assalam. Il a dit donc, ne dites pas assalam, soit sur Allah, mais plutôt dites toutes les salutations et toutes les vénérations et toutes les formes de respect appartiennent à Allah. C'est ça que vous devez dire, au lieu de dire assalam. Puis il a été rapporté également dans les différentes formes de rappel qu'on dit après la salat obligatoire, on dit parmi les invocations et les du'as, Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram. Après qu'on ait terminé la salat, on fait le taslim, on dit astaghfirullah trois fois, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, et après qu'est-ce qu'on dit? Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram. Ça veut dire, oh Allah, c'est toi qui es as-salam, c'est toi la paix, et c'est de toi que vient la paix. Que tu sois béni, béni sois-tu, ô toi le détenteur de majesté et de grandeur et de noblesse, et de générosité. Donc ça c'est parmi les invocations qu'on dit après la salat. Le cheikh il dit ensuite, « وَالتَّشَهُدُ فِي الصَّلَاتِ الثَّنَائِيَّةِ كَالْفَجْرِ وَالنَّوَافِلِ وفي التشهد الأخير من الصلاة التي فيها تشهدان ركن من أركان الإسلام ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في سنن النسائي بإسناد صحيح قال كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض علينا التشهد الحديث. أما التشهد الأول فليس بركن بل هو واجب يجبر إذا ترك نسيانا بسجود السهو لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك رواه البخاري ومسلم. Donc ici qu'est-ce que le cheikh il explique? Il explique que le tashahhud dans la salat, si c'est une salat qui a deux rak'a, comme la prière de Fajr, ou bien une prière parmi les prières surérogatoires, nawafil. Dans ce cas-là, il y a deux raka'at dans ces prières-là, à la fin de ces deux raka'at, tu fais le tashahhud al-akhir, tu fais le tashahhud, à la fin, tu dois réciter le tashahhud, puis la prière sur al-ibrahimiyya, la prière qu'on appelle as-salat al-ibrahimiyya. Donc tu fais at-tahiyyatu lillahi wa salawat wa tayyibat ila akhirih, puis après tu dis اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ça c'est الصلاة الإبراهيمية. Puis après tu fais le taslim, t'as fini ta salat. Et ce dernier tashahhud que tu fais dans la prière de deux rak'at, il est un pilier dans la salat. C'est un pilier dans la salat. Toutefois, si tu, par exemple, fais le premier tashahhud, lorsque tu fais une salat qui a plus que deux rakat, comme par exemple le maghrib ou le isha, eh bien dans ce cas-là, le premier tashahhud, il est obligatoire, mais c'est pas un pilier. C'est obligatoire, mais c'est pas un pilier. Ça veut dire que qu'est-ce qui est un pilier dans le cas de la prière qui a trois ou quatre rakat, c'est le dernier tashahhud que tu fais avec la prière al-Ibrahimiyya. Dans ce cas-là, ok, tu dois absolument le faire parce que c'est un pilier. Si tu le fais pas, ta prière sera pas valable. Si tu le laisses volontairement, ta prière sera pas valable. Toutefois, le premier tashahhud après les deux premières rakat, si c'est une prière que tu fais qui a trois ou quatre, comme le maghreb ou l'isha ou le zohr ou l'asr, alors là, dans ce cas-là, yani, si tu l'as oublié, tu l'as pas laissé volontairement, mais tu l'as oublié, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais pour réparer? Tu fais deux sujoud après ta prière. C'est un sujoud de sahou. Et ça, c'est basé sur le hadith, dans le hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Buhayna, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que, ou bien le sahabi dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois s'est levé, de la prière de Zohr, et après, au lieu de faire le tashahhud, après la deuxième rak'at, il s'est levé directement. Il faisait la salat, puis quand c'était le temps de faire le tashahhud, après la deuxième rak'at, au lieu de faire le tashahhud, il s'est levé directement. Alors, lorsqu'il a terminé sa salat, il a fait deux prosternations, deux sujoud sahou, puis il a fait le taslim après. Ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait oublié le tashahhud du milieu. Tashahhud après les deux premiers rak'at. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il a fait pour réparer ça? Il a fait sajdatayn. Il a fait deux prosternations. Et la preuve que c'est un rukun, le dernier tashahhud après les quatre ou les trois, si c'est le maghreb, ou les quatre, si c'est dhuhr, l'asr ou l'isha. La preuve de ça, c'est dans le hadith authentique rapporté par Al-Nasa'i, selon Abdullah ibn Mas'ud, dans lequel il dit, nous étions dans la salat avant que le tashahhud nous soit rendu obligatoire. Donc ça veut dire que, à partir de ce moment-là, le tashahhud est devenu obligatoire. C'est-à-dire, le dernier tashahhud, c'est un pilier. Si quelqu'un l'a oublié, puis qu'il sort de sa prière, il a oublié de faire tashahhud qui est à la fin, dans la quatrième rak'at ou la troisième rak'at si c'est le maghreb, et bien dans ce cas-là, il ne doit pas seulement refaire sajdatayn, par exemple faire deux sujoud seulement, il doit recommencer sa prière au complet. S'il a oublié le fajr, s'il l'a laissé volontairement, ça c'est, sa prière n'est pas valable du tout. Parce que abandonner quelque chose d'obligatoire volontairement, ça annule la prière. Oui, le deuxième tashahhud, si tu ne l'as pas fait par oubli, puis que tu t'en vas après, tu dis, ah, j'ai oublié de faire le tashahhud, alors là, dans ce cas-là, tu dois refaire ta prière au complet. Tu dois refaire ta prière au complet parce que tu as oublié un pilier. C'est comme si tu as juste fait une prosternation dans ta prière, dans une rak'at, t'as fait une seule prosternation au lieu de deux. Si t'as oublié le dernier tashahhud, non, dans ce cas-là, tu dois refaire ta salat au complet. Mais si c'est celui du milieu, tashahhud du milieu, là, tu fais juste deux prosternations après la prière. D'accord? C'est clair? Si t'as oublié un sujoud, la même chose, tu dois recommencer ta salat au complet. Parce que ça c'est un pilier. Ouais, c'est un pilier. Si t'es dans la salat, supposons que t'es dans la salat, puis que là tu as fait une prosternation, puis là tu as le doute, tu dis je sais pas si j'ai fait une ou si j'ai fait deux, hein. Dans ce cas là les ulama ils disent tu te bases sur la certitude, tu te bases sur ce que tu es certain. C'est quoi que tu es certain? C'est le minimum. Parce que le doute, c'est que tu en as fait deux. Tu n'es pas sûr que tu en as fait deux. Mais une, tu es sûr que tu en as fait une. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu en fais une autre pour enlever le doute. Donc là, tu es sûr après que tu en as fait deux. OK? Puis après ta prière, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire deux sujoud pour yani le sahou. Tu vas faire deux sujoud pour corriger ton erreur. Mais tu vas pas dire ah, j'ai le doute, je sais pas si j'ai fait une ou deux, donc je me dis que j'en ai fait deux. Puis tu te lèves. Peut-être que tu en as juste fait une, mais là dans ce cas-là, tu as manqué une, hein. Donc tu en fais une pour enlever le doute, une prosternation pendant que tu es dans la salat. Mais si tu es sûr que tu en as juste fait une, on va dire là tu en as fait juste une, tu es sûr que tu en as juste fait une. Puis tu t'es levé, hein, puis tu as continué ta prière à la suite, à la fin, tu as continué ta prière jusqu'à la fin. Puis arrivé à la fin, tu dis, ah, j'ai fait juste une sujoud, hein, là, dans ce cas-là, cette rakat, elle n'est pas bonne au complet. Hein, tu dois la refaire. Parce que dans la prière, Si tu manques un rukn, un pilier, c'est comme si, à la fin, si tu, dans ta prière, tu as enlevé un rukn, ta prière ne sera pas valable. Il faut que tu le fasses. Le rukn, c'est obligatoire, sinon tu n'as pas de prière. Naam. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre dans la prière, qu'est-ce qui est un pilier, qu'est-ce qui est une obligation, qu'est-ce qui est un rukn, qu'est-ce qui est recommandé. Qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui n'est pas obligatoire. Et comme ça, donc, par la suite, tu vas savoir quand c'est le temps de faire les réparations ou les corrections dans ta prière, tu vas savoir comment le faire. Il y a un cas aussi, par contre, qu'il faut faire attention. Le cas de la personne qui a des ouswas. Et ça, les ouswas, c'est quoi? C'est la personne, elle a toujours des doutes. Tout le temps dans sa prière. Et c'est le shaitan en fait qui joue avec elle. Donc à chaque fois qu'elle se lève pour prier, peu importe que ce soit la prière obligatoire ou la prière surérogatoire, elle n'est jamais certaine, elle a toujours des doutes que est-ce qu'elle a fait plus ou moins. Elle n'est jamais certaine. Oh, est-ce que j'ai fait deux rakat? Est-ce que j'ai fait deux sujoud? Est-ce que c'est ma troisième? Est-ce que c'est ma quatrième? Quand quelqu'un il est affecté par les ouswas de cette façon-là, il doit ne pas porter attention aux ouswas du tout. Il continue sa prière et il prie, hein, jusqu'à la fin. Il ne donne pas d'attention et il ne donne pas d'importance aux ouswas. Pourquoi? Parce que ça, si la personne elle écoute les ouswas, les soupirs et les suggestions du shaitan, elle risque de devenir folle. Ça c'est de un, à force d'écouter Louis Soas. Pourquoi? Parce que elle va jamais être certaine dans ses adorations. Donc elle risque de recommencer ses adorations plusieurs fois. Puis après ça devient tellement fatigant, tellement lourd, qu'à la fin elle en peut plus, elle abandonne, hein, à long terme. Donc c'est pour ça que il faut pas rentrer dans ce jeu là. Si tu vois que tu commences à chaque fois que tu fais ta prière, tu commences à avoir des doutes sur est-ce que j'ai fait deux, est-ce que j'ai fait deux sujoud, est-ce que j'ai fait un sujoud, est-ce que j'ai fait trois rakat, est-ce que j'ai fait quatre rakat, puis que ça revient constamment dans la même prière ou dans plusieurs prières, alors là tu vois que c'est le shaitan qui rentre. Ça veut dire ça, c'est le shaitan qui veut jouer avec toi. Alors dans ce cas-là, écoute plus les ouswas, puis fais ta prière comme si tout était correct. Puis aussi, une chose qui est importante, c'est que essaie d'éliminer autour de toi toutes les choses qui peuvent te distraire et les choses qui peuvent te déconcentrer. Puis, fais le vide c'est-à-dire enlève toutes les autres pensées de choses qui sont extérieures à la salat. Concentre-toi uniquement sur ton adoration et cherche le refuge en Allah contre le shaitan lorsque tu pries. Une des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux sahaba, c'est que si le shaitan il vient te faire des wiswas pendant ta salat, tu te tournes vers la gauche comme ça et puis tu souffles trois fois puis tu dis a'ouzu billahi minash shaitanir rajim. D'accord? Et le shaitan il va s'en aller, il va plus te déranger par la suite, d'accord? Donc tu te tournes vers la gauche, tu souffles trois fois a'ouzu billahi minash shaitanir rajim. Et c'est garanti, le shaitan, il va te laisser tranquille après. La même chose est vraie par rapport au wudu. La même chose est vraie par rapport au wudu. Il y a des gens qui ont le wiswas dans le wudu. Ils commencent le wudu, là, ils commencent à laver les mains. Après, ils font la bouche, le nez, le visage, le bras. Après, ils disent, est-ce que j'ai fait le nez? Ah, je me rappelle plus, est-ce que j'ai fait le nez? Ah, je recommence encore. Le bras, le visage, le bras, après il commence à dire, est-ce que j'ai fait le bras? Et là, il recommence. Oui, il y a des gens, ça c'est pas drôle, il y a des gens qui sont malades comme ça. Et j'ai vu des gens, j'en ai connu même, des gens comme ça, ok, ils finissaient leur wudu au complet, après l'avoir refait peut-être 5 fois. Ils étaient complètement trempés. Finalement, il rentrait dans la salat peut-être à la 2e rak'at, ok, et commence pour arriver pour dire Allahu Akbar pour faire le takbir, commence à faire la prière, et pendant la salat, pendant qu'il commence à faire sa salat, il commence encore à avoir des wiswas. Ah, je pense que j'ai oublié quelque chose dans mon pied quand j'ai fait le wudu, et sort de la salat, retourne aller faire son wudu encore au complet. Donc, quand ça arrive à un point comme ça, là, ça devient sérieux. Ça veut dire que c'est vraiment une maladie. D'accord? Et il y en a d'autres, c'est avec les problèmes de wiswas qu'ils ont, c'est lorsqu'ils vont faire leurs besoins. Soit pour uriner ou bien pour faire leurs besoins à la toilette. Donc, ils ont toujours des doutes. Ah, peut-être que j'ai une goutte d'urine qui est tombé, ou peut-être qu'il reste encore une goutte d'urine qui va sortir, ou peut-être que je me suis pas bien lavé, ou peut-être que je me suis pas bien essuyé, ou peut-être que yani, mes vêtements sont pas purs, des wasawis qui ne finissent plus. Hein? Donc ça aussi, il faut pas rentrer là-dedans. Il y a des gens qui en font une maladie par la suite. Hein? Et ça c'est pas permis. Et l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya, il en a parlé dans son livre Irathatul Lahfan min Masayid al-Shaytan. Il a parlé dans un des chapitres de ce livre-là sur ce problème des wasawis dans le wudu, dans la salat, dans les qada al-haja, comme on dit en arabe, le fait de faire ses besoins, comment yani, se nettoyer et tout et tout. Et il a parlé de ça, puis il a expliqué à quel point c'était dangereux et que c'est pas bon de laisser le shaitan jouer avec nous dans ces choses-là. Donc, lorsque tu vois que le shaitan il commence à te faire tourner la tête avec des doutes dans ton adoration à ce point-là, alors là, tu n'écoutes plus. Qu'est-ce que le shaitan il te dit? Tu fais tes adorations, tu avances, hein? Même si tu as des doutes là, tu fais comme si tout est correct. Jusqu'à ce que tu sentes que le shaitan il joue plus avec toi. Puis là après, ça redevient à la normale. D'accord? Donc ça c'est très très important, parce qu'il y a des gens, comme je dis, qui deviennent malades. Hein, ils deviennent malades psychologiquement, puis il y en a qui deviennent malades même physiquement à cause de ça. Parce que ils se nuisent à leur propre santé aussi à force d'agir de cette façon. Non. Donc ça c'était juste une petite parenthèse en passant. Ensuite il y a un autre point. Il dit wa ba'd at-tashahhud yusalli 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam as-salat al-ibrahimiyya. وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسير متعددة عن جماعة من الصحابة وأفضلها الكيفية التي جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها بين الصلاة عليه وصلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله. ففي صحيح البخاري عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال لقيني كعب ابن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى، فأهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، وقد قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد علم الصحابة رضي الله عنهم منه كيفية الصلاة عليه بالتشهد الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فسألوه عن كيفية الصلاة عليه فأجابهم بالصلاة الإبراهيمية. Donc le cheikh il explique que après le tashahhud tu fais la prière qu'on appelle la prière ibrahimique, as-salatul ibrahimiyya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné de différentes façons aux sahaba, et ça a été rapporté donc par un grand nombre de sahaba de différentes façons. Mais la meilleure méthode, la meilleure façon de dire as-salatul ibrahimiyya, c'est la version qui réunit le fait d'envoyer la salutation et la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille, et sur le prophète Ibrahim alayhi salam et sur sa famille. D'accord? Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari. C'est rapporté par Al-Bukhari selon Abdurrahman ibn Abi Layla. Il dit Laqiyani Ka'b ibn Ajara. Ka'b ibn Ajara m'a rencontré. Il a dit, veux-tu que je te fasse un cadeau? Veux-tu que je te donne un cadeau que j'ai entendu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, certes, oui. Je dis, certes, oui. Alors, il me l'a donné. Il a dit, nous avons demandé au messager d'Allah, au messager d'Allah, comment faire la salat sur vous? Et votre famille, les gens de la famille. Alors, il leur a enseigné comment. Et il leur a dit, dites, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc en fait il y a deux parties. La première partie c'est صلي, tu dis صلي اللهم صل على محمد, et tu répètes pour la famille de Muhammad wa ala ali Muhammad. Après tu mentionnes Ibrahim, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Et la deuxième partie c'est avec, au lieu de dire salla, tu dis baraka, c'est la bénédiction, wa allahumma barik ala Muhammad, et la famille de Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Donc on peut dire il y a comme 1 2 3 4 5 6 7 8 parties, si on veut, 8 phrases. que tu répètes dans ce dua-là, et c'est de cette façon-là que tu envoies la paix, le salut, la bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne dans le Coran de faire ça. Dans sourate Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, Allah et ses anges envoient le, font le salat à la Nabi. Et il a expliqué, le cheikh il a expliqué la signification de as-salatu ala nabi, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la meilleure assemblée auprès de ses anges, et le salam des anges pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien la signification de ça والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة. Ça c'est la signification que tu invoques pour le prophète صلى الله عليه وسلم la bénédiction, la paix et la نعم. Ok, bon, je vais vous donner l'explication parce que le cheikh il l'a mentionné après. Il dit, donc on a appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam comment faire la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi dans le tashahud on dit assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc que la paix soit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une paix sur toi au prophète, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Et il dit فسألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فأجابهم بالصلاة الإبراهيمية. Donc il leur a enseigné comment faire la salat al-Ibrahimiyya. Il dit وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية معنى قولهم أما السلام عليك فقد عرفناه وهو الذي في التشهد الذي كان يعلمهم إياه كما كان يعلمهم الصورة من القرآن وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وفي المسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم قال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقال يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك. الحديث. وفي إسناده عندهما محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد صرح بالتحديث عن محمد بن إبراهيم التميمي فقال وحدثني في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا المرء المسلم صلى عليه في صلاته محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي. وقول الرجل في حديث أبي مسعود أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك دليل على أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والأخير وأنه ذكر الصلاة مع التسليم والتسليم موجود في التشهد الأول والأخير فكذلك الصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الثنائية وفي التشهد الأخير من الصلوات الثلاثية والرباعية قال بوجوبها بعض العلماء وقد نقل ابن كثير في تفسيره القول بوجود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير عن الإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وحديث ابن مسعود الذي تقدم يدل على ذلك. قال ابن كثير رحمه الله وجمهور العلماء على القول بعدم الوجوب. نعم. بون. après avoir mentionné ça, il cite donc la parole de l'imam Ibn Kathir dans son tafsir qui explique la signification. Il dit, en ce qui concerne le salam sur toi, on l'a connu. C'est-à-dire, le fait de dire dans le tashahhud, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ou bien aussi on peut dire, au lieu de dire Assalamu alayka ayyuhan nabi, on peut dire Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça c'est une autre version qui a été mentionnée dans les différentes narrations. Et je pense que c'était celle qu'on avait mentionnée au dernier cours, qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait Assalamu alayka ayyuhan nabi, ô toi le prophète. Tandis qu'après, ils ont dit, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous disions Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est-à-dire, ils disaient que la paix soit sur le prophète. Ils ne disaient pas sur toi, ô prophète. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le cheikh Abdul Muhsin, hafizahullah, il dit qu'on peut quand même dire les deux, que c'est valable. Et il dit le cheikh que dans l'autre hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad et dans la Mustadrak de Al-Hakim et dans le Sahih, selon les conditions de Muslim, et Al-Zahabi a été d'accord avec Al-Hakim sur l'authentification de ce hadith, il dit que c'est rapporté donc selon Mas'ud, Abu Mas'ud Al-Ansari. Il dit qu'il y a un homme qui est venu et s'est assis devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et nous étions présents. Et il dit au messager d'Allah, nous connaissons comment faire le salam sur toi, hein? Mais comment on fait la salat sur toi lorsque nous faisons notre salat, hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. C'est-à-dire Allah et ses anges font la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne, vous qui avez cru, faites la salat sur lui et faites sur lui le salam aussi. Donc ça c'est la façon dont on doit le faire, c'est en faisant la salat al-Ibrahimiyya. Salat al-Ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid ila akhirih. Et donc le cheikh il dit ensuite, en ce qui concerne la parole de l'homme dans le hadith de Abu Mas'ud, lorsqu'il dit en ce qui concerne le salam sur toi, nous l'avons connu, mais comment on fait la salat sur toi lorsque nous faisons notre prière, comment on fait la salat sur toi? Et il a dit, il y a une preuve dans ça, que on doit faire la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le premier et dans le deuxième tashahhud. Il a dit que les deux sont mentionnés, et il dit que assalam, As-salat wa salam, il dit le taslim, il est présent dans le premier tashahhud et dans le deuxième. De même que la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est présent dans le dernier tashahhud, dans les prières de 3 rak'at et de 4 rak'at. Et il dit que certains ulama ont mentionné son obligation, et Ibn Kathir, il a rapporté dans son tafsir l'obligation, hein, la parole, la position que c'est obligatoire de faire la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam après le tashahhud de la fin. C'est rapporté selon l'imam al-Shafi'i et Ahmad ibn Ishaq ibn Rahouya. Et le hadith de Abu Mas'ud qu'on a mentionné indique cela, c'est la preuve de ça. Et Ibn Kathir, il dit, rahimahullah, la majorité des ulama par contre considèrent la position que ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Donc c'est une position divergente entre les ulama, c'est-à-dire il y a divergence. Et il dit, وَقَوْلُهُ وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْفَرِدًا إِذَا لَمْ يُكْثِرْ وَلَمْ يُتَّخَذْ شِعَارًا لِبَعْضِ النَّاسِ أَوْ يُقْصَدْ بِهَا بَعْضُ الصَّحَابَةِ دُونَ بَعْضٍ. Il dit que c'est permis également de faire la salat sur autre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam en particulier. Si on ne le prend pas comme un symbole pour se distinguer, hein, comme certaines personnes, ou si, et également si on le fait pas avec l'intention, de le faire pour certains sahaba en dehors de d'autres sahabi. Donc vous voyez de faire la salat sur certains sahaba en dehors des autres. Et le Cheikh Abdul Muhsin, il explique ça. Il dit yajuz an yusalla ala ghayr an-nabi sallallahu alayhi wa sallam tab'an lis-salati alayhi. Fa qala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Donc il dit c'est permis de faire la salat sur autre, envoyer la salat sur autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir mentionné la salat sur le prophète, comme par exemple lorsqu'on dit « Oh Allah, hein, Allahumma, salli ala Muhammad wa ala ali wa ala alihi wa ashabihi ». D'accord ? Donc on dit « Et ainsi que sur sa famille et ainsi que sur ses compagnons ». Donc c'est permis de rajouter d'autres personnes quand on fait la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. OK. Wa li hadith Abdullah ibn Abi Awfa قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم فاتاه ابن ابي اوفى بصدقته فقال اللهم صل على ال ابي اوفى رواه البخاري ومسلم واللفظ له وحديث جابر رضي الله عنه ان امراه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم صل علي وعلى زوجي فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وعلى زوجك رواه أبو داود بإسناد صحيح ولكن الجواز مقيد فيما إذا لم يكثر من ذلك أو يكثر إذا لم يكثر من ذلك أو يشابه فيها بعض أهل الأهواء الذين يخصون بها من يعظمونهم أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض. Ok, le cheikh il explique que il y a un hadith rapporté par Ibn Abi Awfa, c'est parmi les compagnons. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand des gens venaient lui donner des aumônes ou de la charité, des charités ou des aumônes, il avait l'habitude de faire des doigts pour eux. Alors il disait, « Oh Allah, yani, envoie ta bénédiction et ta paix sur eux, et ainsi de suite. » Donc il disait ça. Et donc il est venu lui-même avec sa sadaqa. Ibn Abi Awfa, il est venu lui-même avec sa sadaqa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le dua pour lui. Il a dit, oh Allah, fais la salat sur, yani envoie la salat sur la famille de Ibn Abi Awfa. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et c'est la narration de Muslim. Il dit, tandis que dans le hadith de Jabir, il y a une femme qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis elle lui a dit, envoie la salat sur moi et sur mon mari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sallallahu alayki wa ala zawjiki, hein, que Allah envoie la salat sur toi et sur, que Allah fasse la salat sur toi et sur ton mari. C'est rapporté par Abu Daoud avec une chaîne qui est authentique. Et il dit par contre, ce n'est pas permis, hein, il dit c'est permis seulement dans le cas où on le fait pas trop. On ne va pas le dire trop, quand c'est pour d'autres personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du moment qu'on n'exagère pas, on n'en fait pas trop. Et aussi, il ne faut pas ressembler non plus à certains des gens de la bid'a, des gens de la passion, qui spécifient des gens qu'ils vénèrent, hein, qu'ils respectent. Donc ils mentionnent la salat sur eux tout le temps. Et ça devient une des choses par lesquelles ils se distinguent des autres musulmans. Donc ça, c'est pas correct. Ou ils citent certains compagnons et ils délaissent les autres. Ça, c'est pas correct aussi. Il dit, وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ في تفسير الأحزاب في سورة الأحزاب أنما جاء في بعض الكتب من كتابة عليه السلام عند ذكر علي رضي الله عنه أن هذا من عمل نساخ الكتب وليس من عمل المؤلفين لأن طريقة السلف عدم التفريق بين الصحابة رضي الله عنهم والمشهور عن السلف أنهم يصلون على الأنبياء ويرتضون على الصحابة ويترحمون على من بعدهم. Donc il dit que Ibn Kathir il a mentionné à propos du verset dans sourate Al-Ahzab, lorsqu'il cite le verset que Allah et ses anges envoient la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est dans sourate Al-Ahzab. Il a mentionné que certaines personnes, quand ils écrivent dans certains livres, quand ils mentionnent le nom de Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils mentionnent après avoir écrit son nom, alayhi salam. Et alayhi salam, le cheikh il dit, ça en réalité, c'est pas les auteurs des livres. Les ulama qui ont écrit ces livres-là, qui ont mis cette chose-là dedans, dans le livre. C'est les scribes, c'est ceux qui transcrivent les livres, qui rajoutent ça dedans. Alayhi salam. Pourquoi? Parce que la voix des salafs au sujet des sahabes, c'est de ne pas faire de distinction entre eux. Donc, quand tu mentionnes les sahabas, les salafs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils mentionnent les prophètes, ils disent alayhi salam, hein, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien alayhi salam, et ainsi de suite. Si c'est les sahaba, ils disent radiyallahu anhu, radiyallahu anha, radiyallahu anhum. Hein? Donc, at-taraddi, ça c'est pour les sahaba. Et pour ceux qui viennent après les sahaba, les autres ulama, parmi les tabi'in et les autres, on mentionne pour eux la rahma. On dit rahimahullah, rahimahallah, et ainsi de suite. Donc, pour les prophètes, on dit alayhi salam, ou bien sallallahu alayhi wa sallam. Pour les sahaba, on dit radiyallahu anhum, et pour les autres qui sont venus après eux, on dit rahimahumullah. Et le cheikh, il explique que, donc, on n'a pas le droit donc de distinguer Ali radiallahu anhu des autres compagnons en disant à son sujet alayhi salam, non. Il y en a d'autres qui disent aussi karramallahu wajha, hein, que Allah honore son visage, que Allah honore son visage, ou des choses comme ça. Ça aussi, ça c'est pas permis de distinguer Ali radiallahu anhu par ce genre de mention. Différentes des autres sahaba. D'accord? Donc il ne faut pas dire ça, il faut dire radiallahu anhu. Et la même chose pour les autres compagnons. Il dit, hein, souvent tu vois ça dans les livres des Shia, ils écrivent ça. Donc ça, c'est pas correct. On va s'arrêter ici, je crois, pour aujourd'hui. Puis. On va continuer au prochain cours, inshallah, pour cette explication. Inshallah ta'ala. Le recours, c'est un pilier. Ouais. Le recours, c'est un pilier. Tayyib.